l'Ali, tu veux du hashish, il a dit chiche. Et il a fumé cette saleté toute la soirée. Il trouvait que c'était un peu fort, mais bien meilleur que le roquefort. Et voilà, c'est depuis ce temps-là qu'il est camé, camé, camé, caméléon. Qu'il est camé, camé, camé, caméléon. Camé comme un vrai pendentif, et tout ça c'est à cause du kiff. Il est camé, camé, camé, caméléon. Mais l'hashish ne suffisait plus, il voulait plus. Il s'est piqué à l'héroïne, à la morphine. Il était comme un arc-en-ciel dans une soupe au vermicelle. Et voilà, c'est depuis ce temps-là qu'il est camé, camé, camé, caméléon. Qu'il est camé, camé, camé, caméléon. Camé comme un vrai pendentif, et tout ça c'est à cause du kiff. Qu'il est camé, camé, camé, caméléon. Mais enfin désintoxiqué, il fut sauvé. Maintenant il est au Beaujolais, c'est moins mauvais. Il ne voit plus que par le rouge, il a le nez comme une grosse courge. Et voilà, c'est depuis ce temps-là qu'il est calme, calme, calme, calme, Léon. Qu'il est calme, calme, calme, calme, Léon. Ce tournant lui fut décisif, l'alcool c'est vraiment moins nocif. Il est calme, calme, calme, calme, Léon.